faire un tube de toilette en chantant sur cette terre bête. Avec des jeux de mollets, il faut pondre des couplets. Permets que je te réponde, c'est sûr, faut que tu les pondes. Bon, mais que dois-je pondre? Que ponge? Que ponge? Pop, pot, pot, pot, le dernier mot qui t'a servi est éponge. Serviette, éponge, parfait. Allez, vas-y, je vais t'aider. J'apprécie quand de toilette, quand de toilette, me soutient ce lavabo, ce lavabo. Ou plus vite, c'est bien lavé, c'est bien lavé. Rite et ça, nous le savons, à nous le savons de toilette. Sur ce piano, les touches tièdes, les touches tièdes. Ton air est bon, mais mon shampoing, mais mon shampoing. Il sera peut-être pas sale demain, sale de bain. Il mourra en tout caminé, ou caminé de toilette. Au chaud, au froid, au mitigé. Cette salade, on verra dans, on verra dans un instant si c'est le bidet et c'est le bidet. Est-ce à répéter ou à terre? Théo ou à terre? J'aimerais mieux que d'autres lavandes, au de lavande, au de toilette. Au chaud, au froid, au mitigé. Ma face de carême a rassé, crème a rassé. Pour sûr aura ce soir l'éthique, rasoir électrique. Ils font rire les cosmétiques, les cosmétiques. Sur ma gueule d'en peigne à moustache, peigne à moustache, cosmétique. Crème à raser, rasoir électrique, serviette éponge, chanson de toilette, très poétique. Top.